à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'ActuVu. Cette semaine, on se retrouve pour faire le point sur l'actualité et vous aider à préparer les concours. C'est moi, Valentine, qui vous accompagnera tout au long de l'émission. Au programme, la situation de Mayotte qui ne cesse d'empirer. Margot reviendra sur l'étendue de la crise actuelle. Hugo nous parlera d'un jugement historique qui vient d'être approuvé au Canada. Du côté économie, un nouveau rapport fiscal mondial vient de paraître et c'est Solène qui va se charger de nous expliquer tout ça. Quant à Paul, il relèvera le lourd défi de nous parler à la fois de Britney Spears et de cyclisme. Enfin, Agathe nous livrera ses recommandations. Mais d'abord, passons à Arthur et son affluoté. Ce dimanche 22 octobre, le journaliste Rojdi Sarraj, âgé de 31 ans, est décédé des suites d'une frappe palestinienne. Il avait notamment été fixeur pour Ouest France et refusé depuis le début du conflit de quitter la région. Depuis le 7 octobre, ce sont 18 journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza. Alors que les alertes à la bombe se multiplient depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier, un homme de 37 ans, considéré comme schizophrène avec des tendances paranoïaques, a été condamné cette semaine à 8 mois de prison avec sursis pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe au château de Versailles. C'est un nouveau drame qui s'est produit outre-Atlantique. Un homme âgé de 40 ans a abattu au moins 18 personnes et fait 13 blessés selon les dernières informations. Un événement qui est venu troubler le quotidien de la petite ville de Lewiston dans le Maine et qui relance une fois de plus le débat sur l'armement aux États-Unis. Publié ce mercredi 25 octobre, un nouveau rapport de l'Université des Nations Unies met en garde contre 6 menaces potentielles qui pourraient faire basculer les systèmes indispensables à la vie humaine. Au-delà des risques dont on parle déjà souvent, comme la fonte des glaces ou la disparition de certaines espèces animales, le rapport pointe aussi des menaces plus méconnues, comme une crise massive des systèmes d'assurance ou encore une accumulation des débris spatiaux. Les 183 élèves qui avaient perturbé la minute de silence en l'honneur de Dominique Bernard ne feront pas leur entrée le 6 novembre prochain. Une annonce effectuée par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en direct sur BFM TV. Les élèves concernés passeront tous devant un conseil de discipline avant de pouvoir, peut-être, réintégrer leurs classes respectives. Le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd ainsi que 11 autres personnes ont été jugées par la cour d'assises de Paris pour son évasion en hélicoptère du centre pénitentiaire de Seine-et-Marne le 1er juillet 2018. Après 7 semaines d'audience, l'homme de 51 ans qui avait déclaré s'être drogué à la liberté a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ? Mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Mayotte à sec. Le département français s'enfonce dans une crise de l'eau sans précédent. Depuis le 4 septembre dernier, l'eau y est coupée 2 jours sur 3. Les prix des bouteilles d'eau minérale ont explosé. Alors Margot, pourquoi on manque d'eau ? Alors Valentine, il ne pleut plus. Problème, les 300 000 habitants de l'île dépendent à 80% des eaux pluviales qui proviennent des retenues collinaires au nord et au centre de l'île. Autre raison liée à cette sécheresse, la déforestation qui aggrave la situation. C'est le département le plus déforesté de France. Moins d'arbres, moins de captation d'eau dans le sol. Alors cette crise, elle n'est pas nouvelle. Depuis de nombreuses années, le département traverse des épisodes de sécheresse durant l'hiver austral, aussi appelé la saison sèche, et se trouve régulièrement coupé d'accès à l'eau. Mais malgré les restrictions d'eau préventives depuis le début de l'année, les réserves sont au plus bas. Cette urgence de l'eau suscite des protestations. Et c'est l'État qui est pointé du doigt. Magasins pris d'assaut, eau brunâtre, explosion des prix. Les populations se sentent abandonnées par le gouvernement. Certaines associations crient même au racisme environnemental. Il faut dire que pour trouver des bouteilles d'eau, c'est devenu un enfer total pour les Mahotais. Seulement 50 000 personnes ont accès à des bouteilles d'eau gratuites. Le litre d'eau atteint même les 2 euros pour les chanceux qui arrivent à en trouver dans les supermarchés. Face à cette inflation, le gouvernement a tenté de bloquer les prix avec un décret cet été, 1,40 euros la bouteille. Mais pour beaucoup d'habitants, ce n'est pas suffisant. Une bouteille d'1,5 litre par jour, ça représente déjà 16% des 260 euros de revenus mensuels médians pour les habitants de Mayotte. En parlant de manque d'eau, 8 Français sur 10 sont inquiets face au changement climatique. C'est ce que l'on appelle l'éco-anxiété. Oui, oui, il y a un mot pour ça. Alors ce chiffre, il vient d'un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur l'écologie. Et cette anxiété, elle concerne autant les moins de 35 ans comme les personnes âgées. Une anxiété certes, mais pas un immobilisme. Par exemple, 90% des sondés affirment pratiquer le recyclage. Pas de dolirume pour les nez bouchés cet hiver. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, aussi appelée le gendarme du médicament, conseille aux Français de consommer des médicaments anti-rhumes comme Humex ou Actifed, en cause des effets secondaires rares et gravissimes. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Du côté du Canada, la justice fédérale a approuvé un accord d'indemnisation pour les enfants autochtones et leurs familles. Mais Hugo, pourquoi ce changement est-il historique ? 23,4 milliards de dollars canadiens, soit 15,8 milliards d'euros, c'est ce que vient d'accorder la justice canadienne à des autochtones et à leurs familles ce mardi 24 octobre. C'est le plus important accord d'indemnisation de l'histoire du pays. Ceux qui recevront cet argent sont des autochtones canadiens, enfants à l'époque ou des proches. Ils ont été placés de force dans le système de protection de l'enfance du pays, une structure largement sous-financée par le gouvernement par rapport aux enfants non autochtones. Un système discriminatoire qui s'est étalé de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 90. Environ 150 000 enfants des Premières Nations avaient été placés de force dans 139 pensionnats aujourd'hui fermés. À l'intérieur de ces institutions, une véritable politique d'assimilation forcée. Ces jeunes étaient coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Depuis le printemps 2021, plus d'un millier de tombes anonymes ont été découvertes. Elles se trouvaient sur les sites d'anciens pensionnats catholiques réservés aux enfants autochtones. Même si la situation a beaucoup changé aujourd'hui, des problèmes persistent toujours. Effectivement, c'est bien pour cela que le règlement ordonné par la justice contient aussi 20 milliards de dollars destinés à la réforme du système. Selon Cindy Blackstock, qui a lancé la longue bataille judiciaire en 2007, les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves sont toujours soumis à un accès inéquitable aux soins de santé. Le Canada doit faire davantage pour les protéger selon elle. Cindy Blackstock demande également que le gouvernement fédéral change de cap dans ses relations actuelles avec les peuples autochtones. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a enfin réussi à élire un speaker après 3 semaines d'un blocage des institutions inédit dans l'histoire du pays. Depuis le 3 octobre dernier, le Congrès des États-Unis ne pouvait examiner aucun texte. Après l'éviction de Kevin McCarthy par son aile droite pro-Trump, la Chambre des représentants à majorité républicaine était sans speaker depuis 3 semaines. S'en est suivi alors 22 jours de chaos et de querelles internes. De nombreux candidats républicains se sont succédés à la chaîne sans réussir à récolter les voix suffisantes. Au final, c'est Mike Johnson, un élu très peu connu nationalement, qui a réussi à rassembler les votes nécessaires. Un fervent soutien de Donald Trump, opposition très hostile envers la communauté LGBT. Cela renforce encore une fois le pouvoir de l'ancien président sur la Chambre des représentants. Pour en finir sur l'actualité internationale, le deuxième tour des élections présidentielles en Argentine verra s'opposer le ministre de l'économie à une ancienne star du rock. Les Argentins devront choisir entre 2 hommes aux styles diamétralement opposés. Sergio Massa, qui a obtenu 36% des votes au premier tour, c'est le candidat du bloc gouvernemental, actuel ministre de l'économie d'un pays qui subit une inflation record. C'est un homme politique de carrière. Sergio Massa fait campagne sur une politique centriste avec l'image d'un homme de dialogue pragmatique. De l'autre côté, l'outsider, Javier Milei, qui a lui obtenu 30% dimanche dernier. Fraîchement entré en politique, il se qualifie d'anarcho-capitaliste et promet de tronçonner l'État. Il admire Donald Trump, nie le changement climatique et veut, selon ses termes, dégager la caste parasite au pouvoir. Un style très particulier, accentué par son passé de star du rock argentin. Le candidat centriste est vu comme le favori, mais son opposant populiste a toujours déjoué les sondages. Il pourrait donc créer une nouvelle fois la surprise. Et le ministre radical est en colère. Combien ? This is Elon Musk. La grande évasion continue. L'Observatoire européen de la fiscalité a publié ce lundi 23 octobre son rapport sur l'évasion fiscale mondiale. Alors Solène, de quoi s'agit-il ? Plus de 1 000 milliards de dollars, soit près de 950 milliards d'euros. Une somme vertigineuse qui correspond aux profits transférés par des grandes entreprises dans des paradis fiscaux sur la seule année 2022. Les 1 000 milliards de dollars représentent 35% des 2 800 milliards de bénéfices réalisés au total à l'étranger par des grandes entreprises. Pour comparer, cette somme est équivalente au produit intérieur brut du Danemark et de la Belgique réunis. Mais alors, quelles entreprises sont concernées ? L'économiste Gabriel Zucman a dénoncé au micro de France Inter, Microsoft et Apple. Elles enregistrent des dizaines de milliards d'euros de bénéfices en Irlande, a-t-il affirmé. Les multinationales américaines sont les championnes de ces transferts. L'Irlande, les Pays-Bas, les îles Vierges et les îles Caïmans sont les destinations favorites. Et l'Observatoire européen de la fiscalité redoute un rejet de l'impôt. Ces pertes de revenus interviennent alors que des inégalités vis-à-vis de l'impôt passent mal dans l'opinion publique. Les efforts des États pour mieux taxer ces grandes entreprises risque de ne pas changer grand-chose. Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'orientation des retraites, vient d'être destitué. Cela fait 9 ans que Pierre-Louis Bras était à la tête du corps, a annoncé Matignon ce mercredi 25 octobre, alors qu'il vient d'être destitué. Pour rappel, le Conseil d'orientation des retraites est chargé d'éclairer les enjeux liés aux retraites, et plus particulièrement à leur financement. Pendant le débat sur la réforme des retraites, l'exécutif a accusé le corps et son président de relativiser l'ampleur des déficits à venir. Et le gouvernement précise que la destitution de Pierre-Louis Bras n'est pas une sanction, mais bien un timing cohérent. Un timing cohérent peut-être, mais pas pour le groupe Meta aux États-Unis. La maison mère de Facebook et Instagram est accusée de nuire à la santé mentale des jeunes. 40 États américains, dont la Californie et l'Illinois, ont porté plainte dans un tribunal californien mardi contre le groupe Meta. Cette action en justice conclut une série d'enquêtes menées depuis 2 ans sur ces plateformes considérées comme addictives pour les plus jeunes. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. Et on commence avec une ristourne que serait prête à faire l'État français pour attirer les institutions sportives mondiales. Paul, que peut-on tirer de cette annonce ? Et oui, pour attirer pas moins de 34 fédérations sportives, la France envisage de leur faire un joli cadeau. Les députés de la majorité présidentielle ont en effet déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2024. Révélé par le journal Les Échos, cet amendement viserait à, je cite, « favoriser l'installation et le maintien sur le territoire français de ces instances » en leur garantissant un cadre fiscal adapté et pérenne pour leurs activités de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive qui sont exercées hors du champ concurrentiel ou marchand. Mais alors Paul, concrètement, à quoi peuvent-elles prétendre ? Concrètement, la proposition se traduit par des exonérations d'impôts sur les sociétés, sur les cotisations sociales et sur la valeur ajoutée des entreprises à raison des bénéfices réalisés en France. Afin d'inciter les fédérations internationales, la majorité envisage donc un régime de paradis fiscal. Alors que l'Élysée rêve de voir la FIFA s'installer à Paris, le gouvernement n'a pas encore confirmé que cette mesure visait spécialement l'instance dirigeante du football mondial. Mais cet amendement ne passe pas du côté de l'opposition. La FIFA dispose de moyens substantiels, elle n'a pas besoin d'échapper à l'impôt, déplore le député écologiste Jean-Claude Roux. Une chanteuse est sur les devants de la scène des librairies depuis mardi. Et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Britney Spears. Alors Paul, de quoi parle ce livre ? Oui, en effet, La femme en moi est sortie ce mardi 24 octobre dans les librairies du monde entier. Cette autobiographie de Britney Spears est l'une des principales sorties littéraires de l'année 2023. Revenant sur les moments clés de sa carrière, le livre parle de son adolescence, mais se concentre surtout sur sa liberté. Après sa mise sous tutelle par son père, la chanteuse revient sur les ordres dictés par celui qui aura décidé de tout pendant longtemps et ce qu'elle aura subi pendant sa carrière. En empruntant un style très oralisé, Britney Spears permet à ses lecteurs d'être ainsi presque à ses côtés. Enfin, une petite info sport avec l'annonce ce jeudi du parcours du 111e Tour de France de cyclisme. Oui, le parcours du 111e Tour de France a été dévoilé ce jeudi à Nice en présence du maire de la ville, Christian Estrosi. Un tour qui s'annonce riche en surprises après un départ de Florence en Italie. 3 semaines plus tard, ils rejoindront Nice à l'issue d'une dernière étape qui s'annonce de folie avec un contre-la-montre décisif dans les montagnes avoisinantes. Et en 2024, pas de passage par Paris, Jeux Olympiques oblige. Jonas Vingegaard, vainqueur les 2 dernières années, sera forcément l'un des principaux favoris avec son rival slovène Tadej Pogacar. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Réussir son oral de motivation, c'est aussi savoir se valoriser. Et rien de mieux que de mettre en avant ses premières expériences professionnelles dans le journalisme. On parle évidemment du stage. Mais comment fait-on pour en obtenir un, Agathe ? Alors, effectivement, Valentine, avoir fait un stage, c'est un peu la cerise sur le gâteau lors de l'oral. Ça montre la motivation et l'engagement du candidat, et c'est aussi une bonne expérience pour toucher du doigt les réalités du métier. Alors oui, ça peut parfois sembler très compliqué d'obtenir un stage dans une rédaction, surtout quand on n'est pas encore étudiant en journalisme, mais je vous rassure de suite, c'est tout à fait possible. Munissez-vous d'un beau CV et d'une jolie lettre de motivation, et allez-y au culot. vous vous rendez sur place et vous déposez votre CV au rédacteur en chef. Sinon, vous appelez régulièrement pour pas qu'il vous oublie. D'accord, c'est bien beau de vouloir faire un stage, mais on le fait où ? Mais où vous voulez, profitez-en, les stages sont faits pour ça. Si vous souhaitez faire de la presse écrite, privilégiez peut-être le journal de PQR de votre région, comme la Dépêche à Toulouse. Idem pour la radio, si c'est compliqué, tentez les radios associatives. Et pour les médias télévisés, essayez ceux aussi de proximité, comme Via Occitanie. Toutes les combinaisons sont possibles, le seul bémol, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance. Justement, fin octobre, c'est plutôt le bon moment. Alors, tout à fait, il vous reste encore plus de 6 mois avant l'oral, donc retroussez-vous les manches, car c'est maintenant qu'il faut envoyer sa candidature de stage. Et si vous êtes étudiant, profitez des vacances pour en réaliser un. 15 jours, c'est déjà une expérience, sinon, multipliez les stages, c'est que du bonus. L'épisode touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon courage pour la suite de vos révisions. On remercie Pierre et Damien à la technique et à la semaine prochaine sur ActuVu.